Poème 60, hors des temps, sous-titré La trompette du jugement. Je vis dans la nuée un clairon monstrueux. Et ce clairon semblait, au seuil profond des cieux, calme, attendre le souffle immense de l'archange. Ce qui jamais ne meurt, ce qui jamais ne change, l'entourait. À travers un frisson, on sentait que ce buccin fatal qui rêve et qui se tait, quelque part dans l'endroit où l'on crée, où l'on sème, avait été forgé par quelqu'un de suprême, avec de l'équité, condensée en airain. Il était là, lugubre, effroyable, serein. Il gisait, sur la brume insondable qui tremble, hors du monde, au-delà de tout ce qui ressemble à la forme de quoi que ce soit. Il vivait. Il semblait un réveil, songeant près d'un chevet. Oh, quelle nuit! Là, rien n'a de contour ni d'âge, et le nuage est spectre, et le spectre est nuage.